sais tellement tout ce qui se passe que tu t'amuses de faire à côté quasi, quoi. Non, non, non, à Lyon. 6-9, la trique. Si, si. Bye, mutants, was a pleasure. Ouais, vas-y, je te refais un coup de trombone, si tu veux. Et c'est du c'est trombone, hein, attention à la trompette. Un truc avec une coulisse et tout. Love. Les choux en galette, c'est quand même pas mal. Ils ne sont pas de verre brun. Elles sont bien en galette. C'est beau. Thank you. Thank you. Yeah.